vraiment mille fois plus belle que Tara. Emma, Emma, Emma, Emma. Et dire que pour toi j'aurais gâché ma santé. Emma, t'as même pas réussi à me soulager. Emma, t'es vraiment périmé la vie, toi. Emma, ia, ia, Emma, ia, ia, Emma, ia, ia, Emma, ia, Emma, ia, ia. Mata Emma sur RTL2 à 4 lettres près, elle aurait pu s'appeler comme ça. Justine, bonjour. À 4 lettres près. Ah, juste. À 4 lettres près, tu changes 4 lettres. Emma, E2MA, toutes les lettres que je n'ai pas. Hein. J, U. Bonjour Thomas. Bonjour Grégory Hacher. Comment allez-vous? Bah, ça va bien, tu me fais faire des chiffres et des lettres dès le matin. Là, comme ça. Doucement, on y va tranquille. C'est pour t'éveiller, Greg, mais que tu sois en forme jusqu'à 9h. Play School présente Thomas de Bonneau. J'éveille les animateurs matinaliers. Mais tout à fait. On te souhaite une bonne nuit, un bon week-end. Et bien également. Repose-toi bien et en pleine forme. Je vais le faire comme à lundi. À mardi. Bisous. Ciao. Toi, mais oui, tout à fait. Tout à fait. Bonjour, c'est vendredi matin. Bonjour. Bonjour. Et il est 6h, bon réveil. Ouais. Alors voici les infos de Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Troisième nuit de violence à Nantes. Une cinquantaine de voitures ont été incendiées. La façade d'un lycée a été brûlée. Une station en service visée. Trois personnes ont été interpellées. Un peu plus tôt en fin de journée, un millier de personnes avaient participé à une marche blanche en hommage à Aboubacar Fofana, tué mardi par un policier lors d'un contrôle. L'agent a été placé en garde à vue. Emmanuel Macron dénonce une ignominie et un acte lâche. Un couple de jeunes policiers en poste en Seine-Saint-Denis a été tabassé sous les yeux de leur petite fille de 3 ans mercredi soir. Ça s'est passé à Autis en Seine-et-Marne. Les agents qui n'étaient pas en service sortaient de chez des amis. Leurs deux agresseurs qui ont pris la fuite ont été identifiés. L'un d'entre eux avait été confronté à la brigadière lors d'une intervention à la mi-mai. Une nouvelle grève à la SNCF. La CGT Sud appelle à cesser le travail pour ce premier jour de grand départ en vacances. Le trafic sera légèrement perturbé. 4 TGV et 4 TER sur 5 en moyenne, 2 intercités sur 3, 3 transiliens sur 4 et une circulation normale pour les Eurostar et les Thalys. Sur les routes, là aussi, ça s'annonce compliqué. La journée est classée orange au niveau national dans le sens des départs et rouge en Île-de-France. À l'étranger, la course contre la montre continue en Thaïlande pour évacuer les 12 enfants coincés dans une grotte depuis 13 jours. Cette nuit, un sauveteur qui venait de leur apporter des provisions est mort, faute d'oxygène. Les inondations sont telles qu'il faut 11 heures à un plongeur pour faire l'aller-retour. Les sports en football, la France reprend du service aujourd'hui au Mondial de Russie. Hein. Allez. Les Bleus ont rendez-vous à 16h avec l'Uruguay pour le premier quart de finale. Il y a 4 ans, ils avaient été stoppés par l'Allemagne à ce stade de la compétition. Une incertitude, la présence ou non sur le terrain d'Edison Cavani. Touché au mollet, l'attaquant du PSG s'est contenté de trottiner hier lors de l'entraînement. Le sélectionneur uruguayen, lui, n'a pas souhaité en dire plus sur un éventuel forfait. En tennis, c'est parti pour le 3e tour à Wimbledon. Chez les Français, Kristina Mladenovic a rendez-vous avec Serena Williams. Gaël Monfils, lui, affronte l'Américain Sam Querrey et Adrian Manarino, le Russe Daniil Medvedev. La météo, l'heure est à l'amélioration sur la majeure partie du pays. On attend de très belles éclaircies de la Bretagne, aux Hauts-de-France et jusqu'en Champagne-Ardenne et en Lorraine. Du soleil également en Méditerranée, où le vent soufflera fort. On attend des rafales jusqu'à 70 km/h. En revanche, entre la Bourgogne-Franche-Comté et le nord des Alpes, les averses seront encore fréquentes, avec parfois des orages. Les températures, elles restent agréables comme hier, pas trop chaudes. 15 degrés ce matin à Amiens et à Brest, 16 à Auch et Clermont-Ferrand, 17 à Vesoul, 18 à Paris et à Nîmes, 23 à Aléria. Cet après-midi, on attend 21 degrés à Arcachon, 26 à Nancy et Lyon, 27 à Rennes, 28 à Lille et 30 à Toulon. Vendredi matin, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Je suis toujours très surpris parce que longtemps cette musique, c'était la sonnerie de mon téléphone. Donc j'ai le réflexe de prendre mon téléphone quand je l'entends. Voilà, c'est une histoire, une anecdote de vie. Oh, hein, c'est mignon. Une tranche de vie, un moment important et intense entre nous. Pour la prochaine anecdote de Grégory Hacher, rendez-vous dans une heure. Oh bah oui, il faut rester là. Aujourd'hui c'est le résultat du bac, c'est la Saint-Mariette et c'est donc vendredi 6 juillet. Voici Passenger, Let Her Go, dans le double expresso RTL de bienvenue. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Let her go, le groupe Passenger sur RTL2. Grégory Hacher et Justine Salmon, jusqu'à 9h, c'est le double expresso de l'été sur RTL2. Oui, et quel plaisir de vous retrouver. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy qui réalise cette émission. Bonjour à Max qui est sur les réseaux. Bonjour. Et puis on va dire un bonjour spécial aussi ce matin. Viens là petit bonhomme, il est là, Sorge. Viens là petit bonhomme. Bonjour Sorge. Bonjour Greg. Bonjour Sorge, Sorge qui est notre stagiaire. Oui. Et non, c'est la dernière journée aujourd'hui. Ouais. On applaudit Sorge. Voilà, on applaudit Sorge aujourd'hui comme c'est l'anniversaire de Sylvester Stallone. Du coup, on s'est dit que pour Sorge, ce serait parfait quand même. Ah mon petit bonhomme là, comme ça. Ah oui. Allez, c'est le même gabarit. Saute à la corde. Allez mon Sorge. Allez, mon Sorgi. Mais il parle à son fils, quoi. Mon petit bonhomme. Voilà, mon Sorgi qui est le roi du petit déjeuner, on l'appelle, hein, dans le milieu, si jamais. C'est mon Sorgi. Voilà, Sorgi qui va chercher le petit déjeuner, héros des stories sur Instagram du double expresso RTL2. Évidemment, ce matin, Justine, ce sont les résultats du bac. On en parlera dans l'info expresso. Oui. Ah, ça, c'est, on ne peut pas les louper. Vous allez fêter ça surtout. C'est ça qui est intéressant dans oui, les résultats on espère, du bac. On espère vraiment, on croise les doigts pour vous. Il y aura l'horoscope à 6h25, le winner du jour avec toi, et puis à 6h55, le journal des festivals. Il a une bonne bouille ce vendredi matin, tu veux que je te dise ? Écoute, bah tant mieux. Bah, il me plaît bien. Bah, c'est Dire Straits, Sultans of Swing, Mark Knopfler et toute sa troupe sur RTL. Bienvenue, bonjour.

10h11 dans la série, vous rentrez dans l'intimité de l'émission. Jérémy, tu peux nous raconter ce que tu fais chaque soir? Tu vas chercher un petit dessert dans un petit café près de chez toi. Tu vas chercher? Oui, c'est ça, une tarte aux sneakers. Tarte aux sneakers, non, au petit déj. Il se lève exprès et ça fait une semaine qu'il va exprès chercher sa tarte aux sneakers. Je suis devenu accro. Bah, on a des lubies comme c'est ça. C'est dingue. Hein. Bon, en tous les cas, jeune bachelier, tarte aux sneakers ou pas, les résultats du bac, c'est à partir de 8h ce matin. Oui. Et sachez que même une fois en poche, il peut encore vous rapporter. Je vous explique ça dans quelques instants. Plein de petits trucs pour les bacheliers, ceux qui ont des mentions, notamment la suite de Ceci Texas. Oui. C'est un diplôme, mais c'est aussi une compétition par moment. Certes. Et c'est une clé pour aller un petit peu plus loin. A tout de suite sur RTL2. Tout l'été, à partir de 19h, c'est RTL2 Summer Party. Mix Pop Rock avec Laurane et RNP. Pour un début de soirée up-tempo. RTL2 Summer Party, tous les soirs à 19h. Montez le son. Prime Day de retour le 16 juillet sur Amazon. Un jour et demi pour profiter de ventes flash incroyables. Tentez par un smartphone ou une valise, un barbecue, des produits de beauté ou une console. Vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Microsoft, GoPro et Lego, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon. Du 16 juillet à midi jusqu'au 17 juillet à minuit. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49€ par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Tous les jours, partout en France. RTL2, le son pop rock. Diamond glorified. 16h16, c'est le double expresso RTL2. Vous êtes Justine Salmon ? Tout à fait, j'adore, bonjour. J'adore votre travail. Salut Grégory Achère. Bonjour. Texas, say what you want, puis on parle du bac dans l'info expresso avec 2-3 petites news qui vont peut-être changer votre vie, oui, jusque-là. Sur RTL de 6h19. L'info de l'été du double expresso RTL 2. Et on vous en parlait, les résultats du bac, c'est aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et tu nous parles du bac, justement. Oui, c'est à partir de 8h dans certaines académies. Dans Le Parisien, aujourd'hui en France, il y a un article. Des bonnes notes, cela sert à quoi? Est-ce que ça sert quelque chose, finalement, d'avoir des bonnes notes? Alors, moi, ce que je retiens, c'est quelque chose à la banque. Alors voilà, t'as raison. On peut gagner une bourse ou un cadeau, par exemple. Ouais, bon, alors, c'est partie, parmi les petits avantages, les collectivités locales sont nombreuses à proposer des petits coups de pouce financiers en plus de la bourse au mérite qui est déjà attribuée par le CROUS. Hein, ça, vous connaissez sans doute. Alors, par exemple, des banques offrent des chèques. Voilà, c'est vrai, vous avez 50 ou 80 euros lorsque vous avez votre bac pour mettre sur votre compte. Mais que si on a la mention? Oui, si on a la mention, ouais. Et puis suivant, c'est bien. Moi, c'est arrivé à ma gamine, par exemple. Compagnie... Oh, s'il vous plaît. Bah oui, j'ai gardé l'argent. c'est faux. Une compagnie de transport, Flixbus, a même prévu des réductions pour les lycéens d'un montant correspondant au nombre de points au-dessus de la moyenne décrochée à l'examen. Bon, en gros, si t'as 14, bah hop, t'as 4 euros de réduction. C'est cool, ça encourage, ouais, en même plutôt, temps. Plutôt sympa. Il y a également, si vous avez une bonne note, un coupe-fil pour 10% des meilleurs bacheliers, parce qu'il y avait déjà le dispositif meilleur bachelier qui existait, qui permet à certains candidats de tirer leur épingle du jeu. Par exemple, c'est un système créé en 2014 pour donner aux bons élèves des milieux populaires une chance d'accès à des cursus d'élite. Ça a été transformé cette année, ça devient un coupe-fil permettant de passer devant les autres dans Parcoursup. C'est-à-dire qu'en gros, si vous n'avez pas toujours été aidé, bah, il y a un moment, comme vous avez bien travaillé, que c'était pas si évident que ça, on vous donne un petit coup de pouce. Moi, je trouve ça plutôt pas d'accord, mal. Ouais. Tu vois, je veux dire, c'est du mérite, mais il n'y a que 10% des élèves qui pourront en profiter. Voilà, ça fait partie des petits avantages. La banque, le bus, et puis un passage devant certains à Parcoursup pour avoir la mention et décrocher la bonne note. Nous, on vous souhaite le meilleur, on croise les doigts pour vous. Là, regardez, vous ne le voyez pas, mais... En tout cas, profitez, faites bien la fête. Oui, mais il y a pas. Non, mais on peut. Ah, mais si. Écoute, le jour des résultats du bac, oui, on fait la fête. Certains vont, hélas, ne pas l'avoir. D'autres vont aller au rattrapage. Donc. Ah bah là, c'est plus dur. Vous enfermez chez vous. Faites la fête pour les autres. Continuez à bosser et dans une dizaine de jours, ce sera bon. Ah oui, on peut pas faire la fête. Ça va aller. Ça va aller. Bon, d'accord. Michelin optimiste. Bienvenue, c'est RTL2. Roll the window down, let the wind blow in, turn the volume up, let the rhythm kick in. The week is out, the day is done. I've worked so damn hard like a dog digging for bones in the backyard. On the weekend, we can let our hair down to the sound of summer and just dance. On the weekend we just dance. Dans le double expresso RTL de 6h24. Voici l'horoscope de ce vendredi 6 juillet. Les médailles de bronze. Justine, on y va avec les taureaux. Vous faites un peu trop la fête. Reposez-vous ce week-end. Les lions. Soyez plus sûrs de vous, les lions. Vous n'avez rien à craindre des autres. Les poissons. Essayez d'être plus ouvert au dialogue. Cela pourrait résoudre beaucoup de vos problèmes. Médaille d'argent avec les béliers. Vous êtes en forme en ce moment et ça vous va bien au teint. Les gémeaux. Vous avez envie de nouveautés. Des opportunités se présenteront. Ah, bah salut l'équipe. Les cancers. Vous avez du charme et ça se remarque. Vous recevrez des compliments. Vierge. Vous êtes sur le point de concrétiser un gros projet, surtout ne lâchez rien. Balance. Vous recevez beaucoup d'invitations, tout le monde veut passer du temps avec vous. Les scorpions. Votre sourire est communicatif, vous êtes dans une forme exceptionnelle. Sagittaire. Vous avez envie de faire plaisir autour de vous, quand on aime, on ne compte pas. Capricorne. Votre entourage vous trouve rassurant et il n'hésite pas à se confier à vous. Et la médaille d'or du jour, c'est pour ? Pour les Verseaux, vous attaquez la journée sur les chapeaux de roue, tout vous sourira et ça continuera ce week-end. Eh bien bravo les Verseaux. Boys don't cry, les Cure dans le double expresso RTL 2, 6h25. Try to laugh. Boys Don't Cry sur RTL 2, 6h28. Dans 7 minutes, ce sera le premier winner du jour avec toi, Justine. Et j'ai trouvé un winner qui pourrait manger toutes nos viennoiseries du matin en moins de 2 minutes. Et c'est pas moi. C'est Sorge, notre stagiaire. C'est toi, hein? Non plus. Et puis la suite, c'est Cats and Trees. Voilà le programme dans le Double Expresso RTL de vous ouvrir les yeux avec nous. C'est chouette, ça, tout de suite. RTL de présente le groupe aux 27 millions d'albums. Maroon 5 en concert à New York. Hello everybody, we're Maroon 5 and RTL 2, our favorite French radio. Give it up for Maroon 5. Dès que vous entendez deux titres de Maroon 5 à la suite, soyez les premiers à nous appeler au 3228. Et partez avec Air France à bord de l'Airbus A380 pour New York. Maroon 5 et vous. Le 14 octobre au Madison Square Garden. Forcément avec RTL 2. RTL 2, the pop rock radio. Événement. Du 1er au 31 juillet, le festival de Carcassonne réunit les plus grands artistes dans un site unique en France, au cœur de la cité médiévale. Simple Minds. Angus et Julia Stone. A.A. Robert Plant. Calogero. Julien Doré. Bess Ditto. Jane. Aldi. Les Négresses Vertes et plein d'autres artistes. Réservation sur festivaldecarcassonne.fr. Il est 6h30, bonjour et bon réveil, c'est l'heure des infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. La fin du suspense pour les 750 000 candidats au bac. Les résultats vont tomber dans les prochaines heures. Les résultats de Guyane et de Mayotte sont déjà connus. En métropole, c'est l'Académie d'Aix-Marseille qui ouvrira le bal dès 8h. Elle sera suivie de Lyon, Orléans et Reims à 8h30. Ailleurs, les lycéens devraient être fixés à 10h. L'an dernier, près de 88% des candidats ont décroché le diplôme. Il va falloir vous armer de patience si vous prenez la route. Premier week-end de grand départ en vacances. La journée est classée orange au niveau national dans le sens des départs et rouge en Ile-de-France. Il vous est conseillé de quitter ou de traverser la région parisienne avant 10h ce matin. Demain, ce sera rouge également. Essayez de partir avant 6h. Et puis, si vous avez choisi le train, la CGT et Sudrail appellent à la grève. La direction prévoit 4 TGV et 4 TER sur 5, 2 intercités sur 3 et 3 transiliens sur 4. Pas de répit à Nantes. Troisième nuit de violence urbaine après la mort mardi soir d'un jeune homme tué par un policier lors d'un contrôle. Une cinquantaine de véhicules ont encore été incendiés. 3 personnes ont été arrêtées. En début de soirée, un millier de personnes avaient participé à une marche blanche pour réclamer vérité et justice pour Aboubacar Fofana. Un couple de jeunes policiers passés à tabac. Ça s'est passé mercredi soir en Seine-et-Marne. Les agents qui n'étaient pas en service sortaient de chez des amis. Leurs deux agresseurs qui ont pris la fuite ont été identifiés. L'un d'entre eux avait été confronté à la policière lors d'une intervention à la mi-mai. Les sports et en football, la France reprend du service aujourd'hui au Mondial en Russie. Les Bleus ont rendez-vous à 16h avec l'Uruguay pour le premier quart de finale. Il y a 4 ans, ils avaient été stoppés par l'Allemagne à ce stade de la compétition. Une incertitude, hein, toujours la même, la présence ou non sur le terrain d'Edison Cavani. Touché au mollet, l'attaquant du Paris Saint-Germain s'est contenté de trottiner hier lors de l'entraînement. Le sélectionneur uruguayen, lui, n'a pas souhaité en dire plus sur un éventuel forfait. Et puis en tennis, c'est parti pour le troisième tour du tournoi de Wimbledon. Chez les Français, on suivra Kristina Mladenovic. Gaël, mon fils, Adrien Manarino. Pardon. On y arrive. On va y arriver. La météo des plages, ça s'améliore aujourd'hui. Au programme, ce vendredi, du soleil sur la quasi-totalité des plages du pays. Du côté de la mer du Nord et de la Manche, on attend de très belles éclaircies. Comptez 23 degrés à Deauville, le meilleur de la journée, avec une eau à 20 degrés. En Bretagne, il fera 21 degrés à Perros-Guirec. Température de l'eau, 16 degrés seulement. Le soleil sera aussi au rendez-vous dans le golfe de Gascogne, avec 23 degrés cet après-midi à Cap-Breton, un océan à 23 degrés. En Méditerranée, là aussi, il va faire beau, mais le vent va souffler. 28 degrés prévus à Cannes, température de l'eau 25 degrés. Enfin en Corse, il fera 28 à Sagone, avec une mer à 25 degrés, là aussi. 6h passées de 32 minutes. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue. C'est vendredi matin, Cats and Trees, Keep on Dancing sur RTL 2. Have fun, have fun. again. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on running. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on running. Oh, you're by silence and on your end. Silence and it's been a prayer. Believing, believing for love. Nightfall, roofs on the road. Baby, the beast is dark. Keep on dancing sur RTL2, 6h35. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Alors, le winner du jour, c'est Justine qui va vous en parler. Si vous avez un bon estomac et que c'est l'heure du petit-déj, écoutez bien, c'est chaud patate. On est tombé dessus sur YouTube, vous avez peut-être déjà vu ça à la télé. C'est un spectacle que seule l'Amérique peut nous offrir. Il y a quelque chose de grotesque, voire d'obscène, voire vraiment de dégueu. Une douzaine d'hommes, en fait, sont alignés. Il fait très chaud, très beau. Et ils mangent quoi? Ils mangent des saucisses et des petits pains mous à la chaîne devant une foule en délire. Et c'est un vrai spectacle, là-bas. Ah bah oui, c'est filmé aux États-Unis, bien sûr. C'est le concours du mangeur de hot-dog. C'est comme un événement sportif, en fait. Ouais. Donc, notre winner, il s'appelle Joey Chestnut. C'est une star de la discipline. Et il se prépare donc à la compétition, alors comme un vrai sportif. Hein, il court 15 km par semaine. Il se prive de toute nourriture solide pendant les deux jours qui précèdent l'épreuve. Bah ouais. Et sa carrière... C'est drôle parce qu'il l'a commencé avec des asperges. Il ingurgitait 12 kilos d'asperges en 11 minutes. Wow. Et depuis, il a accumulé les titres. Alors, champion du monde des mangeurs de gaufres, de hamburgers, de pizza, d'ailes de poulet, de tarte aux pommes. Mais aussi de buveurs de lait. Écoutez, pourquoi pas. Et en tout cas, pour engouffrer tous ces hot-dogs à la chaîne, Joey, il a développé une technique assez imparable, si ça vous intéresse. Il avale les saucisses par deux et il mange ensuite le pain qu'il trempe dans un grand verre d'eau. Ça me dégoûte. Ah, horrible. Donc là, il vient de battre son record, 74 hot dogs avalés en 10 minutes. Combien ? 74 en 10 minutes. Oh, là là. Oh. Oh, ça me coupe l'appétit. Hein ? Bon, bah, on a la vidéo sur la page Facebook. Faut avoir le cœur un peu bien accroché, Max. Faut s'accrocher, faut y aller, ouais. 74 hot dogs avalés en 10 minutes. Enfin bon. C'est quoi ça, à côté de toi en viennoiserie. Ah non, mais là, ça va m'empêcher de prendre le petit déj, tu vois. Ouais, bah, je vais le prendre pour toi, va. Genesis sur RTL2, bon réveil. Hot sun. Yeah.

feeling through all of the windows inside this room. 'Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me. Malik et Sia, c'était Dust Till Dawn sur RTL2. 6h52, vous le savez, tous les jours on vous parle dans le Double Expresso RTL2 du journal des festivals. Et ce week-end s'ouvrira la 15e édition du Main Square Festival d'Arras. Les festivités vont commencer ce soir par le concert de Queen of the Stone Age. Et puis samedi, ce sera au tour de Depeche Mode et de Liam Gallagher de se produire devant les Arrajois. Et pour terminer, Jamiroquai et Tom Walker sur scène dimanche. Et samedi, c'est aussi à l'ouverture des déferlantes à Argelès-sur-Mer. D'ailleurs, si vous y êtes, vous croiserez peut-être Max, hein, notre community manager. Il sera à fond. Le festival commencera par un concert exceptionnel de Lenny Kravitz à samedi. Dimanche, vous pourrez retrouver The Stranglers. Francis Cabrel y sera aussi, et puis le festival se poursuivra le lundi avec la prestation d'Oli Seas et de Liam Gallagher qui terminera la fête mardi soir. Et puis avec RTL 2, on vous rappelle que le festival Pause Guitare se tient à Albi jusqu'à dimanche. Ce soir, vous pourrez assister à un concert exceptionnel. C'est dingue, c'est Deep Purple. Et puis demain, vous retrouverez les shows de Cats on Trees et d'Imani. Et dimanche, Texas et James Blunt clôtureront le festival. Voilà, c'est avec RTL 2, le festival Pause Guitare du côté d'Albi. Si vous êtes dans le coin, allez faire un saut. Vous avez vu, les affiches sont absolument incroyables. Prochain journal des festivals, ce sera tout à l'heure à 8h55. Status quo pour le son pas prog d'RTL 2 pour être ensemble en ce vendredi 6 juillet. Voici In the Army Now sur RTL 2. The hero of the

Aux États-Unis, Donald Trump a fini par se résigner. Le président américain s'est séparé hier soir de son ministre de l'Environnement, empêtré dans une cascade de scandales. Il était notamment soupçonné d'avoir voyagé et amélioré son train de vie grâce à des fonds publics. Et puis J-1 avant le coup d'envoi du Tour de France. La grande boucle s'élancera de Noirmoutier en Lille et ça s'annonce compliqué pour Chris Froome. Le britannique quadruple lauréat du Tour a été sifflé lors de sa présentation au public hier à La Roche-sur-Yon. Un accueil glacial qui fait suite à des soupçons de dopage. La météo, l'heure est à l'amélioration sur la majeure partie du pays. On attend de très belles éclaircies de la Bretagne aux Hauts-de-France jusqu'en Champagne-Ardenne et en Lorraine. Du soleil également en Méditerranée où le vent va souffler fort. On attend des rafales de jusqu'à 70 km/h. En revanche, entre la Bourgogne-Franche-Comté et le nord des Alpes, les averses seront encore fréquentes, parfois orageuses. Les températures, elles sont plutôt agréables, comme hier, 15 degrés ce matin à Amiens, 16 à Toulouse et à Clermont-Ferrand, 17 à Nantes, 18 à Paris, Dijon et Nîmes, 21 à Ajaccio. Cet après-midi, on attend 26 à Nancy et Lyon, 27 à Rennes, 28 à Lille et Paris et 30 degrés à Toulon. 7h02, bonjour à tous, bon réveil, bon début de journée, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. C'est vendredi matin, donc ça sent le week-end, les vacances également, ouais, fin de l'année scolaire, on y est. Et puis quart de finale, le Coupe du Monde, grand départ. On fête le bac aussi. On fête le bac, bah dis donc, quelle journée incroyable, il se passe plus de choses en un jour qu'en toute la semaine. Imagine Dragons, Next to Me, pour ouvrir les yeux ensemble sur RTL2. Something about the way that you walk into my living room. Casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. Next to Me sur RTL2. Bon réveil. Tous les matins, 6h-9h, le double expresso de l'été sur RTL2. Bonjour, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le double expresso RTL2. Bonjour l'équipe, Jérémy, Max, Sange. Bonjour. Bonjour à tous, Jules, bonjour, bonjour tout le monde. Bon, on a envie de réécouter ce genre de chanson. On a envie que ce soit la fête dans pas très longtemps. Yeah, yeah. J'arrive à vous dire. Ah oui. On n'a pas trouvé mieux pour mettre l'ambiance, mais aujourd'hui c'est le jour du Coupe du Monde, quart de finale, France-Uruguay. Je suis chaud patate. Ah oui, moi aussi. Un peu plus là. Moi j'ai un mariage. Ah, c'est pas la question que j'ai posée. Mais non, mais j'ai un mariage, du coup j'espère que je serai à temps, à l'heure, devant pourquoi, un écran. Mais pourquoi on se marie un vendredi, jour de Coupe du Monde? Ah oui, que veux-tu. Ah ouais. Mais regardez le calendrier avant de vous marier. Ah non, c'est peut-être demain, je sais pas. De quoi, le mariage? Ouais, je sais pas. Ah, tu ne sais pas? Non, mais comment j'arrive sur place aujourd'hui, mais je crois que c'est demain. Non, mais t'es sérieux? Mais... Bah oui, tu sais, moi, ma tête en l'air. Mais tu m'angoisses tellement. Tu m'angoisses. Bon, bah, sachez que pour le dernier France-Argentine, samedi dernier, ce huitième de finale complètement dingue, 4-3 pour la France, il y a eu un truc assez drôle, c'est que pour les Parisiens, se sont arrêtés de consommer de l'eau. On a des chiffres très précis, c'est-à-dire que juste avant le coup d'envoi, ça buvait, ça allait aux toilettes, ça tirait l'eau du robinet, tout ce que tu veux. On a que les stades parisiennes. Hein. Et bah, au moment du coup d'envoi, plus rien, la consommation d'eau s'effondre par rapport à la tendance d'un jour normal. La courbe reconnaît ensuite un sursaut à la mi-temps et à la fin du match. Mais personne n'est allé aux toilettes, personne n'est allé boire, tout le monde était tendu devant le match. C'est dingue. Ce sont des chiffres assez drôles. Bon, alors est-ce qu'il y avait déjà le rosé, la pinte de bière, tout ce que vous voulez déjà sur la table, ou même le Bangal Oasis, hein, comme ça je précise, il n'y a pas que de l'alcool, je ne sais pas. Mais en tout cas, personne ne s'est levé, tout le monde était attentif. Bon, bah, ça sera peut-être la même chose. Sûrement même, tout à l'heure, on vivra cela. C'est un jour important pour les bacheliers aujourd'hui, c'est le jour des vacances scolaires pour les plus petits. C'est un jour de grand départ. On pense à vous. On est tous ensemble sur RTL2. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven forever. In these days of cool reflection, you come to me. Seems alright in these days of cold affection. You sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fed. This world could be fun. Could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Love, love, love, love. This could be heaven for everyone.

7h17, c'est le double expresso RTL2. On parle de drague et de machine à café. On adore. Juste après Pink Floyd sur RTL2. Bon réveil. We don't need no education. We don't need no thought control. Dans le double expresso RTL2, Another Break in the Wall. L'info de l'été du double expresso RTL2. On ne pouvait pas passer à côté. Impossible. On va parler de machine à café. On s'appelle le double expresso RTL2. C'est l'été, la saison de la drague. Alors Justine, oui. Cette info expresso de la drague à la machine à café. Trouvé sur leparisien.fr. Avant l'amour à la plage, on connaît ça. Si on parlait de l'amour à la machine à café. C'est dégueu. La rencontre amoureuse au bureau, c'est l'objet d'une nouvelle étude du site de conseil en séduction Online Séduction. Plus d'un homme sur deux, 53%, a déjà fantasmé sur une collègue de travail. C'est tout de même énorme. Vous êtes ? Ça vous est déjà arrivé ? Non. Ah, ta femme écoute. Votre, vos femmes écoutent. Qu'est-ce qu'il fait, c'est on le charisme. On embrasse ma femme. Le charisme du pouvoir. Oui, non, enfin, pas vous les gars. Tous. Pardon. Personne n'embrasse ma femme à part moi, calmez-vous. Sachez que si vous avez en plus un poste d'encadrement, c'est le jackpot là. Ah oui. L'objet de fantasme, c'est son ou sa chef pour près d'un Français sur quatre de 25 à 34 ans. Ah non. Il y en a beaucoup quand même qui admettent avoir déjà fait un rêve érotique avec son ou sa supérieure hiérarchique. Je commande pas en chaîne. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein? Ah ouais. Bah je vous dirai là, pas qui, on a, beaucoup de supérieurs. Parce donc que... je ne dirai pas qui. Oh là là. On a beaucoup de supérieurs. Ah bah, non. Bravo les trois supérieurs là qui doivent se demander qui. C'est moi, c'est moi. Professionnel en tout cas constitue l'un des principaux lieux de rencontre. Un quart des Français en ménage ont trouvé leur moitié au travail, ce qui est normal. On passe beaucoup de temps au travail, c'est donc vrai. Forcément, ça amène à la rencontre. Bon bah voilà, on vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. On a appris quand même beaucoup de choses te concernant, et ça finalement, ça nous fait une belle je journée. Parle trop parfois. Merci moi. Ma Justine. Expresso RTL2. Hey you, 7h26, c'est l'heure de l'horoscope. Allez, médaille de bronze avec les taureaux. Vous faites un peu trop la fête, hein. Reposez-vous ce week-end. Les lions. Soyez plus sûrs de vous, les lions, vous n'avez rien à craindre des autres. Et poissons. Essayez d'être plus ouvert au dialogue, cela pourrait résoudre beaucoup de vos problèmes. Médaille d'argent maintenant pour les béliers. Vous êtes en forme en ce moment et ça vous va bien au teint. Les gémeaux. Vous avez envie de nouveautés, des opportunités se présenteront. Cancer. Vous avez du charme, ça se remarque, vous recevrez des compliments. Les vierges. Vous êtes sur le point de concrétiser un gros projet, ne lâchez rien. Balance. Vous recevez beaucoup d'invitations, tout le monde veut passer du temps avec vous. Les scorpions. Les scorpions, votre sourire est communicatif, vous êtes dans une forme exceptionnelle. Sagittaire. Vous avez envie de faire plaisir autour de vous, quand on aime, ah bah on ne compte pas. Les capricornes. Votre entourage vous trouve rassurant, il n'hésite pas à se confier à vous. Et enfin médaille d'or pour les Verseaux. Ouais, vous attaquez la journée sur les chapeaux de roue, tout vous sourira et ça continuera ce week-end. Sting sur RTL 2. Of Gold, et puis il y aura ma chanson du jour qui va nous faire chanter, danser, hurler, envie de faire un clip complètement dingue. Et puis il y aura également notre jeu à 7h45, ce sera la roue pop rock au 3228 sur RTL2. Tout l'été, partout en France, RTL2 vous offre le son pop rock de vos vacances. Retrouvez les fréquences RTL2 sur RTL2.fr ou écoutez l'appli RTL2. Bonnes vacances avec RTL2. La radio pop rock.

Comptez 24 degrés à Étretat au meilleur de la journée avec une eau à 18 degrés. En Bretagne, il fera 24 degrés à Saint-Malo, température de l'eau 18 degrés. Le soleil sera aussi au rendez-vous dans le golfe de Gascogne avec 23 degrés cet après-midi à Saint-Jean-de-Luz et un océan à 24 degrés. En Méditerranée, là aussi, il va faire beau mais le vent va souffler. 28 degrés prévus à Cannes, température de l'eau 25 degrés. Enfin en Corse, il fera 28 degrés du côté de l'île Rousse avec une mer à 25 degrés là aussi. 7h32, bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le double expresso RTL2. Tiens, je vais souhaiter un bon anniversaire à ma fille. Oh, voilà, bon anniversaire Choupette. Ah bah, c'est l'avantage d'avoir papa à la radio, hein. C'est qu'on peut cramer après auprès des copines. Sting, avant la chanson du jour qu'à vous faire chanter, c'est promis. Fields of Gold sur RTL2, bonjour. Jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Festival cette année, évidemment en France. Toutes les infos hein, sur le journal des festivals à 8h55, 7h36. RTL 2, la chanson du jour. Alors, chanson du jour de l'été, vous savez, ce sont les numéros 1 de l'été qu'on retrouve pendant nos 3 semaines de double expresso de l'été, Justine. Que des tubes. Exactement, c'est une chanson que je vous ai déjà passée, je ne vais pas vous mentir, mais je me suis dit, là, il va faire beau. C'est jour de quart de finale de Coupe du Monde, c'est jour de vacances scolaires, c'est jour de grand départ, faut vous donner du courage en voiture. Alors, je vais vous donner une chanson qui met de bonne humeur de manière imparable, c'est Pharrell Williams, c'est Happy. Ah bah oui, la chanson qui nous rend heureux. C'est une des chansons les plus reprises, le clip le plus dingue, sans doute l'un des plus vus de l'histoire également. C'est la BO à l'origine du film Moi, moche et méchant 2, on a tendance à l'oublier. oublier quand même, cette chanson qu'on trouve sur le deuxième album de Pharrell Williams. Et surtout, elle détient un record, cette chanson. C'est ça, son histoire qui est incroyable. C'est que c'est la chanson qui détient le record d'être numéro 1 au top 50 français le plus longtemps. 36 semaines, numéro 1 du top. Vous vous rendez compte? C'est complètement dingue. Numéro 1 partout dans le monde, sauf, et c'est là que c'est drôle, en Finlande, où elle a été numéro 7, et numéro 3 en Suède. Nos amis nordiques, ils se sont dit « Oui, c'est bien !» Enfin, c'est pas trop. Voilà. Bon, bah, alors, du coup, on y va, on écoute ça. C'est de la bonne humeur dans le double expresso RTL de Pharrell Williams. Happy. It might seem crazy.